plus belle que moi. Si fait ma belle, je penserai toujours à toi. Et je ferai faire une image tout à la semblance de toi. Et je ferai faire une image tout à la semblance de toi. Alors je verserai tant de larmes quand trois moulins auront tourné. Petit ruisseau en deux rivières, pendant trois jours ont débordé. Petit ruisseau en deux rivières, pendant trois jours ont débordé. Petit ruisseau en deux rivières, pendant trois jours ont débordé. Petit ruisseau en deux rivières, pendant trois jours ont débordé. Jardin.